Chapitre 28e. Consolation aux affligés. Dans l'après-midi, en effet, elle se rendit chez les Higgins. Marie guettait sa venue, dont elle doutait encore. Mais la vue de Marguerite, qui lui souriait de loin, la rassura. Elles traversèrent rapidement la salle du rez-de-chaussée, gravirent l'escalier, et se trouvèrent devant la froide sérénité de la mort. Marguerite se félicita d'être venue. Sur ce visage, qu'elle avait vu si souvent fatiguée par la souffrance, troublée par mille pensées inquiètes, était alors un faible et doux sourire exprimant l'éternel repos, bien que des larmes parussent sur les paupières de Miss Hale, un calme profond pénétrait dans son âme. Et c'était donc là, cette mort tant redoutée. Elle semblait plus paisible que la vie. Mille passages des Saintes Écritures se présentèrent à son esprit. Ils se reposent de leurs travaux, ils sont entrés dans le repos du Seigneur. Le Seigneur donne le sommeil à ses bien-aimés. Marguerite s'éloigna lentement, bien lentement, de ce lit de mort. Marie sanglotait tout bas dans l'enfoncement. Toutes deux descendirent sans prononcer une parole. Nicholas Higgins était là, au milieu de la chambre, la main sur une table, les yeux ouverts d'une dimension effrayante, et frappé de stupeur par la nouvelle qu'il venait d'apprendre en rentrant. Il semblait ne pouvoir se rendre compte à lui-même de la réalité de la mort de sa fille. Car elle était mourante depuis si longtemps qu'il s'était persuadé qu'elle ne mourrait pas, qu'elle finirait par s'en tirer. Il sembla à Marguerite qu'elle ne devait pas rester là à s'informer de toutes les circonstances d'une mort que lui, le père, ne faisait que d'apprendre. En apercevant Higgins, elle s'était arrêtée un instant sur l'étroit et tortueux escalier. Et maintenant, elle s'efforçait de passer inaperçue et de le laisser à la gravité d'une si profonde affliction. Marie s'assit sur la première pierre venue et, cachant sa tête dans son tablier, elle commença à pleurer tout haut. Le bruit parut tirer Higgins de sa torpeur. Il saisit brusquement le bras de Marguerite et la retint jusqu'à ce qu'il eût pu trouver l'usage de la parole. Son gosier semblait se refuser à laisser passer aucun son. À la fin, il dit d'une voix sourde et étranglée « Étiez-vous avec elle? L'avez-vous vue mourir ?»« Non, » répondit Marguerite, se résignant avec la plus grande patience maintenant qu'elle avait été vue. Il resta encore quelque temps sans parler, lui tenant toujours le bras. « Il faut que tout le monde meure, » dit-il enfin d'une voix rauque, et avec une sorte de gravité étrange qui fit soupçonner à Marguerite qu'il avait bu, pas assez pour s'enivrer tout à fait, mais assez pour que ses idées fussent embrouillées. « Oui, tout le monde doit mourir, » continua-t-il, « mais elle était plus jeune que moi. » Puis il s'arrêta comme pour réfléchir, sans regarder Marguerite, mais sans lui lâcher le bras. Soudain, il leva sur elle un œil inquisiteur. Une expression de doute se peignit sur sa physionomie. « Vous êtes sûre et certaine qu'elle est morte? Que ce n'est pas un évanouissement, la petite mort, comme on dit? Il lui est arrivé si souvent de perdre connaissance. »« Elle est morte, » reprit Marguerite. Et elle n'éprouvait aucune crainte en parlant à cet homme, quoiqu'il lui serre le bras à lui faire mal, et que des éclairs sauvages vinssent traverser de temps en temps la physionomie hébétée de l'ouvrier. « Elle est morte, » répéta-t-elle. Il la regarda encore une fois avec cette expression de doute inquisiteur qui s'évanouit en un instant. Puis soudain il lâcha Marguerite, et se laissant tomber sur la table, il la fit trembler, ainsi que tous les meubles de la chambre, par la violence de ses sanglots. Marie, effrayée, s'approcha de lui. « Va-t'en, va-t'en » s'écria-t-il avec des gestes menaçants. « Est-ce que je me soucie de toi ?» Marguerite prit la main de la jeune fille et la tint doucement dans les siennes. Le père s'arrachait les cheveux, se frappait la tête contre le bois de la table. À la fin, il retomba épuisé et comme anéanti. Ni sa fille ni Marguerite ne bougeaient. Marie tremblait de la tête aux pieds. Enfin, au bout d'un temps indéterminé, mais qui parut bien long aux deux jeunes filles, il releva la tête. Ses yeux étaient gonflés et injectés de sang, et il paraissait avoir oublié qu'il y avait quelqu'un auprès de lui. Lorsqu'il vit sa fille et Marguerite, il fronça le sourcil. Il se remit sur ses pieds, secoua lourdement toute sa personne, et sans dire un mot, se dirigea vers la porte. « Père, oh père !» s'écria Marie, se jetant sur son passage. « Non, pas ce soir, un autre jour, si vous voulez, mais pas ce soir. Oh, aidez-moi à le retenir. Il va encore aller boire. Père, je ne vous quitte pas. Frappez-moi si vous voulez, mais je ne vous quitte pas. » Ces dernières paroles ont été pour me recommander de vous empêcher de boire. Marguerite s'était placée sur le seuil de la porte, sans rien dire, mais avec un air d'autorité et une attitude imposante. Higgins la regarda. « Je suis chez moi, ici. Ôtez-vous de mon chemin, jeune fille, ou je vous en ferai retirer de force. » Il avait repoussé Marie avec violence et semblait prêt à frapper Marguerite. Mais celle-ci ne bougea pas d'une ligne et continua de le regarder d'un air calme et sérieux. Si elle avait fait un mouvement, un geste, il l'aurait renversée peut-être plus brutalement encore que la pauvre Marie, dont le visage était ensanglanté de la chute qu'elle venait de faire contre un meuble. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» lui demanda-t-il à la fin, intimidé et comme fasciné par ce calme sévère et persévérant. « Si, parce qu'elle vous aimait, vous croyez m'empêcher d'aller où il me plaît, et vous arrogez le droit de me donner des ordres dans ma propre maison, vous vous trompez. C'est un peu dur pour un homme, de ne pouvoir se donner la seule consolation qui lui reste. » Marguerite comprit que, sans vouloir l'avouer, il reconnaissait son autorité. Que fallait-il faire? Il s'était assis sur un siège tout près de la porte, demi-soumis, demi-résistant, avec l'intention bien arrêtée de sortir dès qu'elle aurait quitté la place, mais renonçant à employer pour se frayer un passage la violence dont il l'avait menacée 5 minutes auparavant. Marguerite lui mit la main sur le bras. « Venez avec moi, lui dit-elle, venez la voir. » Elle dit ces paroles d'un ton grave et solennel qui ne trahissait ni crainte ni doute. Il se leva comme à contre-cœur. Il restait là, indécis. Une irrésolution bourrue se peignait sur son visage. Elle attendait, tranquillement, patiemment, qu'il se décidât à monter. Il prenait un étrange plaisir à la faire attendre. Enfin, il se dirigea vers l'escalier. Elle et lui furent bientôt en présence du cadavre. Ses dernières paroles à Marie ont été « Empêcher mon père de boire. » Quel mal cela peut-il lui faire maintenant? Rien, à présent, ne peut lui faire du mal. Puis, pleurant tout haut, il continua. Nous pouvons nous quereller, nous battre, faire la paix, être bons amis. Nous pouvons être riches ou mourir de faim. Rien de tout cela ne la touchera plus. Elle a eu sa part de nos misères. Accablée de travail d'abord, ensuite de maladie et de chagrin. Elle a mené la vie d'un pauvre chien. Et dire qu'elle est morte sans avoir eu un plein jour de réjouissance dans toute sa vie. Non, jeune fille, n'importe ce qu'elle peut avoir recommandé, elle n'y verra rien maintenant, et il faut que j'aille boire un coup, quand ce ne serait que pour me fortifier contre le chagrin. Non, dit Marguerite, s'adoucissant à mesure qu'il s'adoucissait lui-même, non, vous n'irez point. Si sa vie a été triste, comme vous le dites, dans tous les cas, elle ne craignait pas la mort, comme beaucoup la craignent. Oh, si vous l'aviez entendu parler de la vie à venir, de cette vie cachée en Dieu dont elle vit maintenant. » Nicolas secoua la tête, tout en lançant un regard oblique vers Marguerite. Sa pâleur et l'égarement de son visage frappèrent douloureusement celle-ci. « Vous êtes horriblement fatigué, mon pauvre Higgins, » lui dit-elle. « Où avez-vous été toute la journée ? Pas à l'ouvrage, sans doute. »« Non, bien sûr, pas à l'ouvrage, » dit-il avec un rire saccadé. Pas ce que vous appelez l'ouvrage, du moins. J'ai été au comité, où je me suis cassé la tête à vouloir faire entendre raison à des fous. Avant 7 heures du matin, la femme de Butcher m'a envoyé chercher. Elle gardait le lit, mais elle s'y démenait comme un diable, criant et tempêtant pour savoir où était sa brute de mari, comme si elle me l'avait donné à garder, ou comme s'il était capable de se laisser diriger par moi. Sacré imbécile qui a venu gâter toute notre besogne. Et j'ai couru jusqu'à ce que mes pieds fussent écorchés, pour voir des gens qui ne voulaient pas se laisser voir, maintenant que nous sommes surveillés par la police, et j'avais le cœur bien malade, ce qui est pire que le mal de pied. Et si j'ai rencontré un ami qui a offert de me régaler, je ne savais pas qu'elle était là, mourante. Bessie, ma fille, tu me croirais, toi, tu me croirais, n'est-ce pas? Répéta-t-il, en se retournant comme pour en appeler à ce corps inanimé qui reposait là, près d'eux. Je vous crois aussi, dit Marguerite, je vous crois. Vous ne pouviez prévoir l'événement qui a eu lieu. La mort est venue tout d'un coup. Mais à présent, vous comprenez que ce serait tout différent. Vous savez ce qui est arrivé, vous le savez maintenant. Vous la voyez couchée sur son lit funèbre. On vous redit les paroles qui sont sorties de sa bouche avec son dernier soupir, et vous n'irez pas au cabaret. Higgins ne répondit point. Tout bien considéré, Où pouvait-il aller chercher un peu de consolation? « Venez avec moi à la maison, » dit Marguerite, prenant fin à une résolution extrême. Et tout en faisant cette proposition, elle tremblait intérieurement de ce qui en résulterait. « Au moins vous y trouverez un peu de bonne nourriture, dont je suis sûr que vous avez grand besoin. »« Votre père est curé, n'est-ce pas ? » demanda-t-il, le cours de ses idées changeant subitement. « Il l'a été, du moins, » répondit laconiquement Marguerite. « Eh bien, j'irai prendre une tasse de thé avec lui, puisque vous m'y invitez. Il y a bien des choses que j'ai souvent voulu dire à un curé, et qu'il prêche à présent ou non, je n'y regarderai pas de si près. » Marguerite fut extrêmement embarrassée. Amener Higgins prendre le thé avec son père, qui n'était nullement préparé à accueillir un tel visiteur, justement pendant que sa mère était si malade, lui semblait totalement impossible. Et cependant, reculer maintenant, c'était rouvrir au pauvre diable la porte du cabaret. Elle jugea que si elle pouvait seulement l'amener au logis, ce serait déjà une grande victoire. Et elle résolut de compter pour le reste sur le chapitre des accidents. « Adieu, ma pauvre fille. C'est ici qu'il nous faut quitter. Mais depuis ta naissance, tu as toujours été bonne pour ton père. Dieu bénisse tes lèvres pâles, ma fille. Il y a un sourire dessus. Et je suis content de le voir, moi qui suis triste et seule pour toujours. » Il se baissa et baisa tendrement les joues froides de son enfant, lui recouvrit le visage et se mit en devoir de suivre Marguerite. Elle était descendue à la hâte pour instruire Marie de l'arrangement qui avait eu lieu, lui dire que c'était l'unique moyen qu'elle avait pu trouver pour empêcher son père d'aller ce soir-là au cabaret. Elle engagea Marie à les accompagner, car son cœur souffrait de laisser la pauvre fille seule dans des conditions aussi pénibles. Mais Marie dit qu'elle avait des voisines, des amis qui ne l'abandonneraient pas et qui viendraient lui tenir compagnie. Tout irait donc bien, mais son père... Il entra en ce moment et elle ne put continuer. Il avait secoué son émotion, comme s'il eût été honteux d'y avoir cédé, et avait si bien pris sur lui qu'il affectait une sorte de gaieté amère. « Je vais aller boire le thé avec son père, » dit-il. Mais dans la rue, il rabattit sa casquette sur ses yeux et marcha à côté de Marguerite, sans regarder ni à droite ni à gauche, car il craignait que sa fermeté ne pût tenir devant les paroles ou même les regards sympathiques des voisins. Marguerite et lui firent tout le chemin sans échanger une seule parole. Arrivé près de la rue où il savait qu'elle demeurait, Higgins regarda ses mains, ses habits et ses souliers. « J'aurais peut-être dû me nettoyer auparavant, » dit-il. Cette précaution eût été désirable sans doute, mais Marguerite l'assura qu'arrivé à la maison, il pourrait aller dans la cour, où il trouverait de l'eau, et qu'on lui donnerait du savon et une serviette. Ce n'était pas maintenant, et pour des mains plus ou moins propres, qu'elle le laisserait aller. Tandis qu'il suivait la domestique, le long du corridor, ayant soin de marcher sur les parties foncées du dessin de la toile cirée pour dissimuler les empreintes de ses souliers crottés, Marguerite avait prestement gravi l'escalier. Elle rencontra Dixon sur le palier. « Comment va ma mère? Où est mon père ?» Madame s'était trouvée fatiguée et était entrée dans sa chambre. Elle aurait voulu se coucher, mais Dixon lui avait persuadé de se poser sur le sofa et d'y prendre le thé. Cela vaudrait mieux que de se mettre au lit de trop bonne heure, ce qui l'empêcherait de dormir. Tout allait bien jusque-là. Mais où était Mr. Hale? Dans le salon, Marguerite s'y rendit, tout essoufflée d'avance de la longue histoire qu'elle avait à dire en poste. Naturellement, elle fut obligée d'omettre bien des détails, et son père fut un peu bouleversé par la perspective d'aller dans son gentil et tranquille cabinet prendre le thé avec l'ivrogne tisserand dont Marguerite plaidait la cause avec tant de zèle. Le bienveillant, l'excellent Mr. Hale, aurait bien volontiers essayé de le consoler dans son chagrin, mais malheureusement Marguerite avait appuyé sur ce fait qu'il s'était enivré et qu'elle l'avait amené comme un dernier expédient pour l'empêcher de retourner au cabaret. Un détail avait suivi l'autre si naturellement que Marguerite ne s'aperçut de sa maladresse que lorsqu'elle vit une légère nuance de dégoût se peindre sur le visage de son père. « Oh, papa, c'est un homme qui vraiment ne vous déplaira pas si vous ne vous laissez pas rebuter par son extérieur. Mais Marguerite, quelle folie d'amener un homme ivre ici, et pendant que votre mère est si malade !» Le visage de Marguerite s'assombrit. « J'en suis fâché, mon père, mais je vous assure qu'il est fort tranquille et pas du tout ivre dans ce moment-ci. Il était seulement un peu extraordinaire d'abord, mais c'est peut-être le choc que lui avait causé la mort de la pauvre Bessie. » Et ici, les yeux de Marguerite se remplirent de larmes. Mr. Hale prit le doux et charmant visage de sa fille dans ses deux mains et le baisa au front. « Allons, tout ira bien, cher enfant. Je vais aller le trouver, et je le mettrai aussi à son aise qu'il me sera possible. Toi, va soigner ta mère. Seulement, si tu peux venir entière dans mon cabinet, je n'en serai pas fâché. Oh oui, j'irai, merci. » Et comme Mr. Hale quittait le salon, elle courut après lui. « Papa, il ne faudra pas vous étonner de ce que vous pourrez lui entendre dire. C'est un... Je veux dire qu'il ne croit pas beaucoup de choses auxquelles nous croyons. » « Oh, Seigneur, un tisserand ivre et incrédule !» se dit Mr. Hale en lui-même. « Enfin !» Mais à Marguerite, il dit simplement « Si ta mère s'endort, ne manque pas de venir tout de suite. » Marguerite alla dans la chambre de sa mère. Mrs. Hale sortit de son assoupissement. « Quand as-tu écrit à Frédéric, Marguerite ? Hier ou avant-hier ?»« Hier, maman. »« Hier ? Et ta lettre est partie ?»« Oui. » Je l'ai mise moi-même à la poste. Oh, Marguerite, s'il allait lui arriver malheur, si la lettre reconnue, si la lettre arrêtée et exécutée après s'être bannie de son pays et de sa famille pendant tant d'années. Toutes les fois que je m'endors, je rêve qu'il est pris et mis en jugement. Ne vous effrayez pas ainsi, maman. Sans doute ce voyage ne sera pas sans danger, mais nous le rendrons le moins redoutable possible, et il y a si peu de chances qu'il soit reconnu. Ah, si nous étions à Hailstone, par exemple. Il y en aurait 20 fois, 100 fois plus. Là, tout le monde l'a connu. Et si on savait qu'il y a un étranger dans la maison, on devinerait que c'est Frédéric. Tandis qu'ici, personne ne nous connaît. Personne ne s'occupe assez de nous pour s'inquiéter de ce que nous ferons. Tout le temps qu'il sera ici, Dixon gardera la porte comme un dragon, n'est-ce pas, Dixon ? Ils seront bien habiles s'ils entrent sans ma permission, fit Dixon en montrant les dents à la seule idée d'une telle possibilité. Et puis d'ailleurs, il ne sortira qu'à la brune, le pauvre garçon. Pauvre garçon, répéta Mrs. Hale, mais je voudrais presque que tu n'eusses pas écrit. Serait-il trop tard pour l'empêcher de partir si tu lui écrivais de nouveau, Marguerite? Je crains que oui, maman, dit Marguerite, se rappelant avec quelle insistance elle l'avait supplié de venir au plus tôt s'il voulait revoir sa mère. Je n'ai jamais aimé qu'on fît les choses avec tant de précipitation, dit Mrs. Hale. Marguerite garda le silence. « Allons, madame, » fit Dixon d'un ton où perçait une espèce d'autorité affectueuse. « Vous savez que la chose que vous désirez le plus au monde, c'est de voir Mr. Frédéric. Et je suis bien contente que Miss Marguerite ait écrit tout de suite, sans barguigner. J'ai eu plus d'une fois envie de le faire moi-même. Et nous le garderons serré. Nous veillerons comme il faut sur lui. Et il ne manquera de rien, vous pouvez y compter. » Il n'y a dans la maison que Marthe qui ne donnerait pas tout au monde pour le sauver en cas d'alerte. Et j'ai déjà réfléchi qu'on pourrait choisir ce moment-là pour l'envoyer chez sa mère. Elle a dit plusieurs fois qu'elle désirait beaucoup y aller, parce que depuis qu'elle est à la maison, sa mère a eu une attaque, mais elle n'ose pas le demander. Je mettrai bon ordre à ce qu'elle parte aussitôt que nous saurons qu'il doit arriver. Dieu lui soit en aide. Ainsi, madame, prenez tranquillement votre thé et fiez-vous à moi. Mrs. Hale, en effet, se fiait à Dixon plus qu'à Marguerite, et les arguments de la camériste la calmèrent pour le moment. Marguerite versa le thé en silence, cherchant dans son esprit quelque chose d'agréable à dire, mais son esprit lui répondait à peu près de la même façon que Daniel O'Rourke, quand l'homme de la lune lui demandait de venir chercher sa faucille. « Plus vous nous demanderez, moins nous bougerons. » Plus elle cherchait à penser à autre chose qu'au danger qui menaçait le pauvre Frédéric, plus cette idée se présentait à son imagination sous toutes ses formes possibles. Sa mère babillait avec Dixon et semblait avoir complètement oublié que son fils courait risque d'être mis en jugement et condamné à mort, et que c'était d'après son désir qu'il se trouvait exposé à ce danger. Mrs. Hale était une de ces personnes qui émettent la crainte de possibilités terribles, de probabilités effrayantes et de chances malheureuses de toute espèce, avec autant de facilité qu'une fusée répand les étincelles. Mais si une seule de ces étincelles tombe sur une matière combustible, elle l'allume. Le feu couve d'abord, puis à la fin la flamme éclate en un terrible incendie. Marguerite se trouva soulagée quand, son devoir filial tendrement et soigneusement rempli, elle put descendre dans le bureau de son père. Elle se demandait comment les choses se passaient entre Higgins et lui. Dès l'abord, les manières distinguées et bienveillantes du gentleman de l'ancienne école avaient, par leur simple élégance et leur courtoisie naturelle, réveillé, sans chercher à le faire, toute la politesse qui était à l'état latent chez Nicholas Higgins. Mr. Hale traitait tous les hommes de même. Il ne lui était jamais venu la pensée de faire sentir à chacun d'eux qu'il était son supérieur. Il avança une chaise à Nicholas et se tint debout jusqu'à ce que ce dernier se fût assis à sa requête. Dans le cours de la conversation, il l'appela poliment Mr. Higgins, au lieu du simple Nicholas, ou Higgins tout court, auquel ce tisserand ivrogne et incrédule avait jusque-là été accoutumé. Mais Nicholas n'était pas un ivrogne de la pire espèce, ni complètement incrédule. Il buvait, selon sa propre expression, pour noyer le chagrin. Et il n'était incrédule que parce qu'il n'avait pas encore trouvé une formule de foi à laquelle il pût s'attacher de cœur et d'âme. Marguerite fut surprise, mais enchantée, lorsqu'en entrant, elle trouva son père et Higgins engagés dans une conversation qui semblait les intéresser tous deux. Chacun parlant à l'autre avec politesse et bienveillance, bien qu'ils ne parussent pas partager les mêmes opinions. Nicholas, qui s'était lavé à l'auge de la pompe et qui avait pris son maintien de cérémonie, lui semblait un être nouveau, à elle qui ne l'avait vu que dans sa brusquerie native et dans la rude indépendance de sa propre demeure. Il avait lissé ses cheveux avec l'eau fraîche, il avait rajusté sa cravate et donné un tour de brosse à ses souliers, et il était assis là, près de Mr. Hale, auquel il expliquait ses opinions avec un accent d'archérien, très prononcé sans doute, mais à demi-voix, et d'un air calme et sérieux. Il la regarda lorsqu'elle entra, lui sourit, lui donna tranquillement sa chaise, en prit une autre, et se rassit promptement, faisant à son interlocuteur une légère inclination de tête pour s'excuser de cette interruption. Marguerite prit son ouvrage et se prépara à écouter en silence. Comme je vous le disais, monsieur, je crois que vous ne croiriez pas à grand-chose si vous aviez vécu par ici, si vous y aviez été d'enfance. Je vous demande pardon si je me sers de mots trop forts, mais ce que j'entends par croire dans ce moment-ci, c'est de penser aux paroles, aux maximes et aux promesses faites par des gens que vous n'avez jamais vus au sujet des choses et de la vie que vous n'avez pas vues non plus, ni vous ni personne. Maintenant, vous venez de me dire que ce sont des choses véritables, des paroles et une vie véritable. Moi, je vous dis, où en est la preuve? Il y a autour de moi beaucoup de gens plus sages et plus savants que moi. Des gens qui ont eu tout le temps de songer à ces choses, tandis qu'il m'a fallu travailler pour avoir du pain. Eh bien, je vois ces gens-là, leur vie est devant moi. Ce sont des gens réels, et ils ne croient pas à la Bible. Non, ils n'y croient pas. Ils peuvent dire qu'ils y croient pour la forme, peut-être. Mais quelle est leur première pensée dès le matin? Est-ce « Que vais-je faire pour acquérir la vie éternelle ?» ou bien « Que vais-je faire pour remplir ma bourse aujourd'hui ?»« Où irai-je pour cela ? Quel bon marché puis-je espérer de faire ?» La bourse, l'or et les billets, voilà des choses véritables, des choses qu'on peut voir et toucher. Ce sont des réalités. Mais la vie éternelle, ce ne sont que des discours bons pour... Je vous demande pardon, monsieur. Vous êtes un curé sans ouvrage, à ce que je crois, et je ne manquerai jamais de respect à un homme qui est dans la même peine que moi. Mais je veux seulement vous faire une question, et je ne vous demande pas de me répondre, mais seulement de la mettre dans votre pipe et de fumer dessus avant de nous mépriser, nous autres, qui ne croyons que ce que nous voyons, comme des insensés et des vauriens. Si le salut et la vie à venir étaient des choses véritables, s'ils étaient dans le cœur des gens et non pas dans leurs paroles, croyez-vous que les patrons ne nous en étourdiraient pas comme ils le font de leur économie politique ? Ils se donnent bien de la peine pour nous enseigner cette belle sagesse-là, mais l'autre vaudrait bien mieux si elle était vraie. Mais les maîtres n'ont rien à voir dans votre religion. Ils le croient, du moins. Ils n'ont de relation avec vous qu'au sujet du commerce. Et la seule chose qui leur importe, c'est de redresser vos opinions sur la science qui concerne le commerce. « Je suis bien aise, monsieur, » dit Higgins en clignant de l'œil d'une manière significative, « que vous ayez ajouté ces mots. Ils le croient, du moins. » Sans cela, je vous aurais cru un hypocrite, j'en ai peur, bien que vous soyez curé, ou plutôt parce que vous êtes curé. Voyez-vous, si vous aviez parlé de la religion comme d'une chose vers laquelle, si elle était vraie, ce ne serait pas du devoir de chaque homme d'attirer l'attention des autres hommes par-dessus toute chose, je vous aurais cru un coquin, bien que vous fussiez curé, et j'aime mieux vous croire insensé que coquin, sans vous offenser pour cela, j'espère, monsieur. Pas le moins du monde. Vous croyez que je suis dans l'erreur, et moi, de mon côté, je crois que vous vous trompez bien plus fatalement. Je n'espère pas vous en convaincre en un jour, ni en une conversation, mais faisons plus ample connaissance, causons librement ensemble de ces choses, et la vérité finira par prévaloir. Je ne croirais pas en Dieu si je ne croyais pas cela. Monsieur Higgins, j'espère que, quoi que vous puissiez penser d'ailleurs, vous croyez du moins... Ici, Mr. Hale baissa la voix en signe de profond respect. Vous croyez du moins en lui. Nicholas Higgins se tint tout à coup droit et roide. Marguerite se leva effrayée, car en voyant l'agitation des muscles de son visage, elle crut qu'il allait avoir des convulsions. Mr. Hale le regarda, consterné. À la fin, Higgins trouva ses paroles. « Je vous renverserai volontiers d'un coup de poing pour me tenter ainsi. Quel besoin avez-vous de venir m'éprouver avec vos doutes ? Pensez seulement à celle qui est couchée là-bas, après la vie qu'elle a menée, et puis demandez-vous comment vous avez le cœur de venir me retirer ma seule consolation, la pensée qu'il y a un Dieu, et que c'est lui qui lui avait assigné sa tâche. Je ne crois pas qu'elle revive jamais, » dit-il en s'asseyant et continuant tristement, comme s'il se fût adressé au feu. « Je ne crois pas en une autre vie que celle-ci, où elle a eu tant de peine et d'inquiétude. Mais je ne puis supporter la pensée que sa vie malheureuse a été l'effet d'un hasard qu'un souffle des rues pût changer. Il y a eu des temps où je pensais que je ne croyais guère en Dieu, et quelquefois j'ai ri par bravade, avec d'autres qui disaient qu'ils n'y croyaient pas. Mais après, je ne pouvais m'empêcher de regarder autour de moi s'ils ne m'entendaient pas. Mais aujourd'hui, que je reste seul et désolé, je ne veux pas vous écouter avec vos doutes et vos questions. Il n'y a qu'une idée stable dans ce monde où tout croule, et, raisonnable ou non, je veux m'y attacher. C'est bien pour ceux qui sont heureux de... » Marguerite toucha doucement le bras de Nicholas. Elle n'avait encore rien dit, et il ne l'avait pas vu se lever. « Higgins, nous ne voulons pas raisonner. Vous avez mal compris mon père. Nous ne raisonnons pas, nous croyons, et vous faites de même. C'est la seule consolation dans de pareils moments. » Il se tourna vers elle et lui prit la main. « Oui, c'est vrai, c'est bien vrai, » dit-il en essuyant ses larmes du revers de sa main. « Mais vous savez, elle est là, couchée, morte, à la maison. Et je suis si abasourdi par le chagrin qu'à peine si je sais ce que je dis. C'est comme si tous les discours que j'ai entendus faire aux camarades, et qui me semblaient bien savants et bien habiles dans le moment, me revenait maintenant que mon cœur est pour ainsi dire brisé. Et puis aussi la grève a échoué. Saviez-vous cela, miss? Je venais, comme un mendiant, lui demander un peu de consolation dans mon chagrin. Et j'ai été tout à coup comme renversé par quelqu'un qui m'a dit qu'elle était morte, qu'elle venait de mourir à l'instant. C'était tout, mais c'en était assez pour moi. » Mr. Hale se moucha plusieurs fois et fit quelques pas dans la chambre pour dissimuler son émotion. « Ce n'est pas un infidèle, Marguerite. Comment as-tu pu dire cela ? » murmura-t-il d'un ton de reproche. « J'ai bien envie de lui lire le 14e chapitre de Job. »« Je crois qu'il n'est pas encore temps, papa. Parlons-lui de cette grève, et donnons-lui les conseils dont il a besoin, et qu'il venait chercher près de la pauvre Bessie. » Ils le questionnèrent donc et écoutèrent ses réponses. Les calculs des ouvriers étaient basés, comme cela arrivait souvent à ceux des maîtres, sur des prémices fausses. Ils avaient considéré leurs semblables comme de pures machines. Ils n'avaient pas fait la part des passions qui, si souvent, l'emportent sur la raison, comme il était arrivé dans le cas de Butcher et des émeutiers. Ils avaient cru enfin que la peinture des mots qu'ils avaient subis ferait sur des étrangers éloignés le même effet que ces torts, réels ou imaginaires, avaient fait sur eux. Ils s'étaient donc indignés contre les Irlandais qui avaient consenti à venir prendre leur place. Cette indignation avait été tempérée, il est vrai, par le mépris qu'ils ressentaient pour ces ouvriers inexpérimentés et par le plaisir qu'ils éprouvaient à l'idée de la maladresse avec laquelle ils allaient se mettre à l'ouvrage et tourmenter leurs nouveaux maîtres par leur ignorance et leur stupidité, sur lesquelles mille histoires exagérées circulaient déjà dans la ville. Mais le coup le plus cruel qui eût été porté à la grève était venu de ceux des ouvriers de Milton qui, bravant les ordres donnés par l'Union de maintenir la paix, quoi qu'il arrivât, avaient eu recours à la violence et par suite avaient mis la discorde dans le camp et répandu parmi leurs frères la terreur des punitions de la loi. « Et ainsi donc la grève est terminée ?» dit Marguerite. « Oui, miss. C'est maintenant un sauve-qui-peut général. Il faudra ouvrir toutes grandes les portes des manufactures pour pouvoir laisser entrer tous ceux qui demanderont de l'ouvrage demain. Ne fût-ce que pour montrer qu'ils n'ont pas pris part à une mesure qui, si nous nous étions bien conduits, aurait amené les salaires à un taux plus élevé que nous ne les avons vus depuis plus de 10 ans. « Vous aurez de l'ouvrage, n'est-ce pas ?» dit Marguerite. « Vous êtes un fameux ouvrier, à ce qu'on m'a dit. Hamper me laissera travailler chez lui quand il coupera sa main droite, pas avant, » dit tranquillement Nicolas. Marguerite demeura triste et silencieuse. « Quant au salaire, » dit Mr. Hale, « il ne faut pas vous offenser de cela, mais je crois que vous êtes dans de grandes erreurs. Je voudrais vous lire quelques remarques sur ce sujet dans un livre que j'ai ici. » Il se leva et se dirigea vers sa bibliothèque. « Ne vous donnez pas cette peine, monsieur, » dit Nicolas. « Les phrases qui sont dans les livres m'entrent par une oreille et me sortent par l'autre. Je n'en puis rien tirer. » Avant que nous eussions eu, Hamper et moi, cette dernière querelle, le contremaître lui avait dit que j'excitais les hommes à demander des salaires plus élevés, et Hamper me rencontra un jour dans la cour. Il avait à la main un petit livre et il me dit « Higgins, on dit que vous êtes un de ces damnés insensés qui croient que, pour avoir de plus gros gages, il ne faut que les demander, et que, quand vous vous laisserez procurer de force, vous pourrez les garder. Je vais bien voir si vous avez le sens commun. Voici un livre qui a été écrit par un de mes amis, et si vous voulez le lire, vous y verrez comment les salaires prennent forcément leur niveau, sans que maître ni ouvrier y puissent rien, excepté lorsqu'il plaît aux ouvriers de se couper eux-mêmes la gorge en se mettant en grève, comme des imbéciles qu'ils sont. Voyons, monsieur, je vous le demande, à vous qui êtes curé, qui avez fait l'état de prédicateur, et qui avez souvent essayé d'amener les gens à ce que vous croyez la vérité, commenciez-vous par les traiter de fous ou d'insensés? Ne leur disiez-vous pas plutôt d'abord quelques bonnes paroles pour les disposer à vous écouter et à se laisser convaincre, si c'était possible? Et, en prêchant, vous arrêtiez-vous de temps en temps pour dire moitié à eux, moitié à vous-même, « Mais à quoi bon essayer de raisonner avec ce tas d'imbéciles ?» J'avoue que je n'étais pas dans la meilleure disposition du monde pour goûter ce que disait l'ami de Hamper. J'étais si furieux de la manière dont le maître m'avait donné le livret. Mais je me dis « Allons, je veux voir ce que celui-là peut dire, et si c'est eux ou nous qui sommes les imbéciles. » Je pris donc le livre et je m'y attelais. Mais que Dieu me pardonne, il n'était question que du travail et du capital et du travail, si bien que je finis par m'endormir. Je ne comprenais jamais bien duquel il parlait dans le moment, et il parlait de tous les deux comme s'ils eussent été des vices et des vertus. Et ce que je voulais connaître, moi, c'était les droits des hommes, riches ou pauvres, n'importe, pourvu qu'ils fussent hommes. Mais avec tout cela, dit Mr. Hale, et en convenant avec vous de tout ce que la manière de parler de Hamper en vous recommandant ce livre avait de blessant, de raisonnable et d'antichrétien, cependant, si, comme vous le disiez, l'auteur démontrait que les salaires prennent leur niveau naturel, et que la coalition la plus heureuse ne peut les faire augmenter un instant que pour les faire bientôt tomber beaucoup plus bas qu'ils n'étaient d'abord, il démontrait une grande vérité. « Cela peut être, monsieur, » dit Higgins avec un peu d'humeur. « Il y a différentes opinions sur ce point, mais quand c'eût été 10 fois plus vrai, cela n'était pas pour moi puisque je n'y comprenais rien. » Je suppose qu'il y a des vérités dans le livre latin que je vois là-bas sur vos planches, mais c'est du baragouin, et non pas la vérité pour moi, à moins que je n'en comprenne les mots. Si vous, monsieur, ou tout autre homme savant et patient venez vers moi et me dites que vous m'apprendrez ce que les mots signifient, et si vous ne vous emportez pas lorsque j'ai la tête un peu dure, ou que j'oublie comment une chose s'engraine avec une autre, eh bien alors, avec le temps, il se peut que j'arrive à voir la vérité. Ou il se peut que je n'y arrive pas. Je ne veux pas m'engager d'avance à penser comme un homme, quel qu'il soit, et je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut tailler la vérité en parole, nettement et proprement, comme les hommes de la fonderie taillent les feuilles de fer. Tout le monde ne peut pas avaler le même os. Il s'arrête dans la gorge de celui-ci ou dans celle de celui-là, et en laissant cela de côté, quand il est avalé, il peut se trouver trop fort pour l'un ou trop faible pour l'autre. Les gens qui veulent médicamenter les autres avec leur vérité doivent les accommoder de différentes façons pour différents esprits et mettre un peu de douceur dans la manière de les administrer. Autrement, il pourra arriver que les pauvres insensés de malades les leur crachent à la figure. Voilà Hamper qui commence par me donner un soufflet, Puis il me jette sa pilule en me disant qu'il est sûr qu'elle ne me fera pas de bien parce que je suis trop bête. Aussi, je la lui renvoie. Je voudrais que quelques-uns des meilleurs et des plus sages parmi les maîtres, des Mr. Hale, consentissent à se rencontrer avec vous et à causer de ces questions. Ce serait certainement la meilleure manière de résoudre les difficultés qui, à ce que je crois, viennent de votre ignorance. Excusez-moi, Monsieur Higgins, sur des sujets qu'il serait à la fois de l'intérêt des maîtres et des ouvriers que tous comprissent parfaitement. Je me demande, continua-t-il en se tournant vers sa fille, si on obtiendrait de Mr. Thornton d'essayer quelque chose de ce genre. Rappelez-vous, papa, dit Marguerite à voix basse, ce qu'il a dit un jour au sujet des gouvernements, vous savez. Elle ne voulait pas faire plus clairement allusion à la conversation qu'ils avaient eue sur la manière de gouverner les ouvriers, soit en développant assez les intelligences pour qu'ils pussent se conduire eux-mêmes, soit au moyen d'un sage despotisme de la part du maître, car elle voyait que Higgins avait saisi le nom de Mr. Thornton, sinon toute la pensée de Mr. Hale. « Thornton, dit-il, c'est celui qui a fait venir les Irlandais et a causé l'émeute qui a ruiné la coalition. » Hemper lui-même, avec tous ses jurons, avait encore attendu un peu, mais avec Thornton, le coup suit la parole sur le champ. Et maintenant que l'Union lui sut gré de poursuivre Butcher et ceux qui, avec lui, avaient désobéi à ses commandements, le voilà qui vient de dire que, comme la grève est terminée, lui, qui est la partie lésée, ne désire pas poursuivre les émeutiers. J'aurais cru qu'il avait plus de courage, j'aurais cru qu'il se serait vengé ouvertement. Mais, dit-il, quelqu'un qui était au tribunal m'a rapporté ses propres paroles. Ils sont bien connus. Leur conduite sera naturellement punie par la difficulté qu'ils trouveront à se procurer de l'ouvrage, et cette peine sera assez sévère. Ah, s'ils avaient coffré Butcher et qu'ils l'eussent amené devant Hamper, comme le vieux tigre se serait jeté sur lui. Il ne l'aurait pas lâché, lui. Allez. Mr. Thornton a eu raison, dit Marguerite. Vous êtes en colère contre Butcher, Nicholas. Sans quoi vous comprendriez que lorsque la punition naturelle est assez sévère pour l'offense, ce qu'on y ajouterait ressemblerait à de la vengeance. Ma fille n'est pas grande amie de Mr. Thornton, dit Mr. Hale en souriant à Marguerite, tandis que celle-ci, les joues couvertes d'un brillant incarnat, travaillait avec un redoublement d'ardeur. Mais je crois que ce qu'elle dit est la vérité, et j'aime Mr. Thornton d'avoir agi ainsi. Que voulez-vous, monsieur ? Cette grève a été pour moi une triste affaire, et vous ne pouvez vous étonner que j'aie de l'humeur de l'avoir échouée à cause de quelques hommes qui n'ont pas voulu souffrir en silence et bravement tenir bon. Vous oubliez, dit Marguerite, je ne connais pas beaucoup Butcher, mais la seule fois que je l'ai vu, ce n'était pas de ses propres souffrances qu'il parlait, mais de celles de sa femme malade et de ses petits-enfants. C'est vrai, mais lui-même n'était pas bien solidement trempé. Il aurait bientôt parlé des siennes. Il ne savait rien endurer. Comment se fait-il qu'il soit entré dans l'Union ? Dit innocemment Marguerite. Vous ne paraissez pas faire grand cas de lui, ni avoir gagné grand-chose à l'y voir admis. Higgins fronça le sourcil et garda le silence pendant quelques minutes. Puis il dit d'un ton bref : Ce n'est pas à moi à juger l'Union. Elle fait ce qui lui convient. Il faut que les gens d'un même métier se soutiennent entre eux, et si quelques-uns ne veulent pas suivre le sort des autres, l'Union a des moyens de se faire obéir. » Mr. Hale voyait que Higgins était contrarié du tour qu'avait pris la conversation, et il gardait le silence. Il n'en fut pas ainsi de Marguerite. Elle comprit instinctivement que, si elle amenait Nicholas à s'expliquer clairement, elle pourrait ensuite s'appuyer sur quelque chose de positif pour plaider la cause du juste et du vrai. « Et quels sont donc ces moyens de l'Union ? » dit-elle. Higgins la regarda d'un air sombre, et il fut sur le point de refuser de lui répondre, mais les yeux calmes et confiants de Marguerite, fixés sur les siens, le contraignirent pour ainsi dire à parler. « Eh bien, miss, si un homme refuse d'appartenir à l'Union, ceux qui travaillent au métier voisin du sien reçoivent l'ordre de ne jamais lui parler, fût-il chagrin ou malade. Il est en dehors, il n'est pas des nôtres. Il vit au milieu de nous, il travaille près de nous, mais il ne nous est rien. » Il y a même des endroits où on met à l'amende ceux qui lui parlent. Essayez seulement de ça, miss. Essayez de vivre un an parmi ceux qui détournent les yeux si vous regardez de leur côté. Essayez de travailler au milieu de gens que vous savez avoir au cœur un mauvais vouloir contre vous. si vous leur dites que vous êtes content, pas un œil ne brille, pas une lèvre ne remue. Si votre cœur est pesant, vous ne pouvez leur en rien dire, car ils ne feront pas la moindre attention à vos soupirs et à votre air triste. Et un homme n'est pas un homme s'il se met à gémir tout haut quand personne ne lui demande ce qu'il a. Essayez seulement de ça, miss, 10 heures par jour pendant un an, et alors vous saurez ce qu'est l'union. Comment ? S'écria Marguerite. Mais c'est une affreuse tyrannie. Tant pis si je vous fâche, Higgins, je n'ai pas peur de votre colère, et il faut que je vous dise la vérité. C'est que je n'ai jamais rien lu dans l'histoire qui approche de cette lente et cruelle torture. Et vous faites partie de l'union, et vous venez nous parler de la tyrannie des maîtres ? Ah, dit Higgins, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Celle qui est morte est entre vous et ma colère. Croyez-vous que j'oublie qu'elle est celle qui est couchée là-bas, comme elle vous aimait ? Ce sont les maîtres qui sont cause du péché, si l'union est un péché. Peut-être pas ceux de cette génération, mais leurs pères. Leurs pères ont réduit les nôtres en poussière. Ils nous ont réduits en poudre. Curé, n'ai-je pas entendu ma mère lire ce texte ? Les pères ont mangé des raisins verts, et les enfants ont eu les dents agacées. Il en est ainsi d'eux. C'est dans ces soins de cruelle oppression qu'a commencé l'union. C'était une nécessité alors, et selon moi, c'en est encore une aujourd'hui. C'est une barrière contre la justice passée, présente et future. Il en est de cela comme de la guerre, qui entraîne des crimes avec elle, mais que souvent on ne pourrait éviter sans un crime plus grand encore. Notre seule chance de salut est de lier tous les ouvriers à l'intérêt commun. Et s'il y a des insensés et des poltrons, il faut que nous les entraînions de la marche générale, car notre nombre fait seul notre force. Ah, dit Mr. Hale en soupirant, votre union en elle-même serait belle et glorieuse. Ce serait la réalisation des plus beaux préceptes du christianisme. Si elle avait pour but les biens de tous, au lieu de soutenir uniquement les intérêts d'une classe en opposition à ceux d'une autre. Je compte qu'il est temps de m'en aller, monsieur, dit Higgins, tandis que l'horloge sonnait 10 heures. À la maison, dit doucement Marguerite. Higgins l'a compris et prit la main qu'elle lui tendait. « À la maison, miss. Vous pouvez nous fier à moi, quoique je fasse partie de l'union. J'ai la plus grande confiance en vous, Nicholas. »« Attendez, » dit Mr. Hale, prenant un livre. « Monsieur Higgins, j'en suis sûr, ne refusera pas de faire la prière avec nous. » Higgins regarda Marguerite d'un air de doute. Il rencontra son grave et doux regard, qui n'exprimait qu'un profond intérêt. Il garda le silence et demeura à sa place. Marguerite l'anglicane, son père le dissident, et Higgins le déiste, s'agenouillèrent ensemble ce soir-là, unis du moins par l'esprit de charité.